on va reprendre. Donc avec la dernière intervention de la journée que va nous faire Olivier Legros, donc qui est maître de conférence en géographie à l'Université de Tours, j'ai déjà dit, et qui travaille sur les politiques institutionnelles vis-à-vis des populations d'origine rome, on va dire. Juste une petite précision, ça me semblait très important pour cette journée qu'on aborde une forme de précarité qui n'est pas forcément liée à des questions économiques, mais là plutôt à des questions d'exclusion de personnes du fait de leur origine, entre autres, mais pas seulement, hein, ça pourrait être aussi bien, on pourrait parler des sans-papiers ou de migrants, etc. Là, il s'agit de migrants, en l'occurrence migration plutôt forcée, mais ça, je vais laisser Olivier en parler. Mais il semblait important de pas seulement parler de précarité économique, entre guillemets, pour simplifier. Bon, je vais essayer. Bonjour d'abord à tous, puis merci à Pascal, à l'UPT de m'avoir invité. Je vais essayer de faire court, parce que c'est aussi la fin de la journée. Peut-être que je vais commencer quand même par rappeler mon point de vue. Hein. Peut-être toujours préciser d'où on parle, hein. C'est jamais évident, ça va pas de soi. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme je l'ai lu dans les papiers, effectivement, je suis chercheur en géographie, donc enseignant-chercheur à l'Université de Tours. J'ai d'abord travaillé à Dakar, à Tunis, donc assez loin d'ici, dans les quartiers non réglementaires, c'est-à-dire des quartiers construits sans autorisation. Hein, c'est la définition juridique de la précarité, hein, sans droit ni titre. Bon, c'est plus compliqué, mais c'est un petit peu ça. Hein. Donc des quartiers construits dans le dos de l'État, d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, dans ces quartiers, finalement, on conduisait des politiques. Ça pouvait être l'État en Tunisie, ça pouvait être l'aide internationale, au nom de la lutte contre la pauvreté, pour l'équipement, et de voir comment ces politiques, finalement, s'articuler avec les dynamiques sociales. C'est-à-dire que dans ces quartiers-là, construits dans le dos de l'État, les gens ne restaient pas les bras croisés, mais multipliaient les initiatives pour aller chercher les équipements, faire reconnaître le quartier, etc. C'est-à-dire qu'il y avait toute une activité sociale, qui était aussi toute une activité politique, hein, qui permettait de relier, d'une certaine manière, le quartier à ces quartiers, donc à l'État, et puis aussi à l'aide internationale, dans le cadre Dakar. Donc finalement, ce qui se donnait à voir au travers de toutes ces opérations, c'est le fonctionnement politique, c'est la régulation politique de la ville. C'est le gouvernement, d'une certaine manière. Hein, et ça, c'est mon point de départ. C'est mon point de départ parce que j'ai appris plein de choses, j'ai vu des choses et j'ai appris aussi pour moi, savoir d'observation. Je me suis dit, tiens, c'est comme ça que ça marche, le politique, et avec toutes ses ruses, tout son rapport à l'espace qui est particulier, ses chausse-trappes, la façon dont je ruse pour arriver à mes fins. C'est vrai pour les gens sans pouvoir, d'une certaine manière, qui se débrouillent, et c'est vrai aussi pour les autres qui ont du pouvoir, mais qui vont ruser aussi pour parvenir à leur fin. Bref, j'ai appris plein de choses. C'était une école pour moi, d'une certaine manière. Et donc ensuite, j'ai eu un poste à Tours, et là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas très loin des deux Lyons, là, donc l'université où on est maintenant, donc en géographie, il y avait des familles qui se sont avérées être roms, mais on ne le savait pas au départ, parce que ce n'est pas marqué, hein, évidemment, sur le front, et qui se présentaient comme kosovars à l'époque. En tout cas, qui étaient demandeurs d'asile et qui vivaient dans une situation de très grande précarité, plus que ce que j'ai pu observer personnellement à Dakar ou à Tunis. Hein, sur justement les quais, du Cher, enfin, sur les rives du Cher. Voilà. En face du centre commercial de La Riche, on avait là un ensemble de baraques, hein, qui commençaient à constituer ce qu'on commençait à appeler un favela dans la presse locale. C'est intéressant comment on dit, comment on parle du lieu, hein, de l'espace et des gens aussi, hein, ça c'est fondamental. Hein, et puis, donc voilà, moi je suis passé par là et je me suis dit, en gros, c'est pas possible, j'ai fait comme plein de gens. Hein, vous parliez tout à l'heure de la magie, entre guillemets, enfin, de gens qui bougent quand ils voient un spectacle de pauvreté. Ça, c'est le point de départ, généralement, la question de l'espace, de la visibilité au centre de toutes ces questions liées à la précarité et à son règlement. Et effectivement, je me suis dit, pour être très clair, moi, je n'en ai pas dormi, je me suis dit, c'est pas possible de rester comme ça, je ne peux pas ne pas l'avoir vu. Hein, et donc, Je vais essayer en gros d'utiliser ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu apprendre à l'école du politique en Afrique, d'une certaine manière, et voir comment je pouvais, à partir de là, essayer de mobiliser, de débrouiller quelque chose ici, d'interpeller les politiques, et en fait, c'est une façon d'entrer en politique. Donc ça, c'est le deuxième point de vue, c'est un point de vue d'acteur, d'une certaine manière, de personne engagée, hein, voilà, ça ne veut pas dire militant, hein, j'ai jamais été dans des associations, et ça m'a, voilà, c'est pas ma façon d'agir d'une certaine manière, voilà, ou de me politiser. Hein. Et puis, un troisième point de vue qui est le retour à la recherche, d'une certaine manière, mais en France. C'est-à-dire que ça me semblait important, à partir de là, de continuer à réfléchir. Mais je pouvais pas, comment dire, analyser ce qui se passait sur le terrain où j'agissais. Hein, même d'un point de vue moral, c'est pas possible. Donc, je suis allé voir ce qui se passait en banlieue parisienne, hein, dans la banlieue nord, où l'État, avec les collectivités locales, avait mis en place ce qu'on appelle des villages d'insertion. On a eu le village Perron, par parenthèse, à Tours, hein, question pas très loin. Et la question du voisinage, là, il n'y avait pas de magie. Hein, il y a eu aussi des choses beaucoup plus dures. On en parlera si vous voulez. Hein, et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, donc je suis allé voir ces villages d'insertion qui impliquaient l'État, d'une certaine manière, et qui étaient là pour, en gros, résoudre la question des grands bidonvilles de Saint-Ouen. Hein. Ce n'est pas les grands bidonvilles en général, c'est des bidonvilles très précis qu'il s'agissait de dégager, hein, voilà, hein, de dégager, et en même temps, on mettait en place une petite opération, voilà, qui visait à intégrer une partie de la population. Donc voilà, je suis allé voir un petit peu comment ça se passait, mais toujours avec ce regard africain, c'est-à-dire en m'intéressant à l'articulation des politiques publiques et des dynamiques sociales, à voir un petit peu comment on avait construit cette politique, finalement, du village d'insertion, qui était d'abord une politique de l'intervention dans les bidonvilles qui se trouvaient être fondées par des Roms migrants. Voilà, donc ça, c'est voilà d'où je parle. Alors, moi, la première chose, quand j'ai vu cette journée, c'est habiter précaire. Alors, ça m'a intéressé. J'ai aussi un petit peu, on a échangé sur la question du titre. Et de plus en plus, enfin, j'ai d'une certaine manière pris mes distances. Hein, ça ne veut pas dire que... Voilà, j'ai pris mes distances, mais ça m'a amené à me questionner. Je me suis dit, habiter précaire. Moi-même, j'ai toujours travaillé sur l'habitat précaire ou des trucs de pauvres, d'une certaine manière, et toujours cette focale-là. Et je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est de changer de focale. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on ne peut pas penser habiter précaire, la question de la précarité, de la pauvreté, sans poser la question de la richesse. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Il faudrait peut-être commencer par là et le rappeler, et à chaque fois le rappeler et l'asséner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de la précarité sans production au même moment en gros, de richesse, de territoire riche. Hein. Et ça, c'est le premier point de départ. Et il le dit très bien dans ce film que moi j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé pour plein de raisons, et j'en parlerai peut-être un petit peu après, parce que je crois que l'essentiel est dit sur ces processus de précarisation, de regard, stigmatisation dans les deux sens. Et tout ça. Il y a plein de choses sur ces interactions-là. Et il y a donc un jeune qui parle effectivement du capitalisme triomphant. En gros, voilà. Bon, je crois que la première remarque qu'on doit faire, c'est qu'effectivement, c'est cette extension, hein, cette extension des territoires du capitalisme, cette extension, cette prise du pouvoir d'une certaine manière des logiques économiques, des logiques du profit, de la rentabilité, qui s'accompagne d'une extension aussi des territoires de l'habitat classe moyenne, riche, hein, qui se fait parfois au sein d'anciens territoires populaires ou d'anciens territoires pauvres. Vous évoquiez Montreuil tout à l'heure, c'est assez emblématique de cette conquête de la banlieue rouge, finalement, ou de l'ancienne banlieue rouge, de l'ancienne banlieue ouvrière, d'une certaine manière, par des classes moyennes, parfois parisiennes, qui ne trouvent plus forcément ou qui n'ont plus forcément les moyens de se loger au sein de la capitale et qui vont être de plus en plus nombreuses, finalement, à gagner aussi la périphérie immédiate. On pourrait réfléchir à ces stratégies résidentielles qui sont aussi des stratégies contraintes par le marché, mais qui se traduisent par une expansion, finalement, des territoires de l'habité riche, de l'habité des classes moyennes, voilà, qui se développent aussi dans des quartiers qui, avant, étaient des quartiers davantage populaires. Bref, hein, ce qui m'intéresse dans cette logique très générale, c'est qu'elle s'accompagne, sur le plan urbain, d'une fermeture des espaces, d'une privatisation d'abord, hein, des espaces, d'une fermeture des espaces, hein, pensez aux résidences sécurisées, etc. Pensez à ce centre commercial L'heure tranquille de Lyon, hein, qui est barriérisé, je le dis comme ça exprès, hein, avec un règlement d'exception d'une certaine manière. On est tout sauf dans l'espace public. Il y a donc bien, alors que c'est il y a d'une certaine manière une fonction publique qui est associée à cet espace et qui est mise en avant, hein, même sur le plan des convivialités. Hein, il y a donc une fermeture avec un règlement d'exception qui fait que c'est tout sauf un espace public. Donc il y a une expansion, une privatisation des espaces qui s'accompagne aussi d'une logique ou d'une extension, d'une affirmation des logiques de contrôle, hein, qui vont avec, de contrôle spatial, mais qui sont aussi des formes de contrôle social. Regardez la Gloriette, c'est absolument intéressant de voir comment ces terrains qui étaient des terrains un peu agricoles, mal définis d'une certaine manière, des marges d'une certaine manière, ont été mises en ordre à partir des années 2000, etc., hein, où avant on pouvait habiter précaire, c'est-à-dire, je pense à ces voyageurs, à ces rassemblements qui avaient lieu et qui se passaient là, ça faisait partie des terrains, voilà, et aujourd'hui c'est pas possible, il y a une architecture, hein, il y a un certain nombre de dispositifs matériels qui viennent interdire finalement ce genre de pratiques et discipliner d'une certaine manière les usages. Et les usages, c'est ceux des voyageurs en l'occurrence, mais ce sont aussi les nôtres. Hein. Il y a des parkings, voilà, il y a toute une organisation fonctionnelle de l'espace, hein, qui dit finalement les comportements autorisés dans ces espaces. Bon. Cette réflexion sur les territoires, j'ai envie de dire qu'elle concerne plus généralement les sociétés, j'ai envie de dire les économies locales, où il y a, et ça vous en parlez très bien dans le film aussi, de moins en moins de niches, de prises d'aspérité d'une certaine manière, hein, où justement on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, prendre prise pour tenter de se débrouiller dans la société, tenter de s'ancrer, et pourquoi pas de réussir, parce qu'il y a aussi question de réussir, hein, dans cette société. Hein, et je pense que Patrick le disait tout à l'heure, hein, il a un projet, il le conduit à son but. Hein, la question de la réussite, hein, quand on parle de la précarité aussi, elle est importante. Voilà. Et en tout cas, moi, l'image que j'ai, c'est celle, effectivement, d'une ville, de territoire et de société lissée, d'une certaine manière. Alors, sur le plan spatial, c'est très net. J'ai envie de dire que le résultat, c'est une réduction, finalement, hein, des prises, une réduction des marges, et que, finalement, ça, c'est le point commun entre ces populations diverses dont tu parlais tout à l'heure, qui vont, finalement, hein, se trouver, qui vont avoir à se débrouiller, finalement, avec des ressources économiques, peut-être, mais aussi avec des ressources spatiales de plus en plus limitées, de plus en plus rares, pour, justement, se débrouiller en ville, survivre, et peut-être, pourquoi pas, dans certains cas, essayer de réussir malgré tout. Voilà la première idée que je voulais peut-être avancer. Alors, c'est qui, les Roms ? C'est qui, les Roms, dont on parle ? Alors, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette affaire de l'origine. Alors, l'origine, Rome, c'est le pays des Roms en lui-même n'existe pas, hein, puisqu'ils sont répartis sur plusieurs pays. En gros, les Roms dont on parle, ce sont des gens qui viennent à Tours, par exemple, d'ex-Yougoslavie, hein, des confins du Monténégro, du Kosovo et puis de la Serbie, voilà, les Roms d'origine yougoslave qui étaient sur le terrain, donc près du Cher, c'est ça. Vous avez des familles qui viennent beaucoup de Roumanie, hein, ça, comme vous le savez, hein, on confond même Roms-Roumains, c'est intéressant de la façon dont on va catégoriser, parler. Ce sont des gens qui viennent aussi de Bulgarie, voilà. Le point commun de toutes ces personnes, c'est peut-être l'appartenance à des minorités roms, mais c'est des minorités, des groupes très divers. C'est l'appartenance à la diversité rome, j'ai envie de dire. Ça me semble fondamental. Et puis c'est la pauvreté de départ, pas pauvreté totale, parce que pauvreté totale, quand on est vraiment pauvre, on part pas, on n'a pas les moyens de partir. Donc il y a un peu de ressources qui sont mobilisées pour partir. Plus compliqué en Roumanie, parce qu'il y a des phénomènes d'endettement, hein, qui font que les gens sont pris dans des réseaux de dettes, de domination, et ils sont obligés de rembourser. Donc là, il y a quelque chose qui coince. Mais ce n'est pas le cas de toutes les familles roms. Hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc la pauvreté initiale, malgré tout, et puis aussi la situation d'irrégularité en France. Pauvreté initiale qui se combine avec des formes de racisme, hein, dans les pays d'origine, voire de guerre civile, bon, ça dépend des cas. Mais en tout cas, il y a une pauvreté, ça c'est le point commun, et puis cette aspiration à mieux vivre qui fait que, eh bien, la première solution que ces gens en situation donc, de précarité dans leur propre pays vont trouver, c'est celle de migrer, de partir, de tenter leur chance ailleurs. Classique, c'est la situation de bien des migrants, hein, rien d'original. Et peut-être autre point, c'est cette situation d'irrégularité sur le plan juridique. Avec donc là des Yougoslaves, qui sont les sans-papiers dont tu parlais, des familles déboutées du droit d'asile, des extra-communautaires. Et bon, voilà, un droit, c'est de retourner chez eux, sauf que, bon, bah, en situation de non-expulsabilité, d'une certaine manière, donc ça complique. Et puis les autres, qui sont des citoyens européens, mais qui voient leur droit au séjour limité hein, par le cadre de mesures transitoires. Il y a tout un arsenal juridique qui peut être mobilisé pour gérer ces périodes transitoires, c'est le cas de le dire, qui permettent de limiter l'accès ou d'interdire carrément, hein, ou de, pas d'interdire, de limiter l'accès, effectivement, de ces populations au marché de l'emploi. Alors, comment on protège le marché de l'emploi ? Eh bien, on le soumet au système de l'autorisation du permis de travail. Voilà, il faut un permis de travail. Et l'obtention est coûteuse, problématique, et de fait, les gens se retrouvent en situation d'exclusion du marché de l'emploi, qui est une situation d'exclusion sociale. Et ça, c'est un autre point commun, c'est que ces gens d'origine, il y en a d'autres, hein, d'origine yougoslave et d'origine de Roumanie et de Bulgarie, se trouvent en situation d'exclusion de fait, finalement, de la société que l'on présente comme la société d'accueil, dans le vocabulaire. Hein, voilà. Donc ça, c'est autre chose. Alors comment ça se passe, ces gens, donc, qui sont quelques milliers, mais ce n'est pas énorme, hein, c'est une population qui n'est pas très nombreuse, qui a des stratégies migratoires pas très originales, j'ai envie de dire. On s'appuie sur la famille, sur la communauté d'origine. Voilà, ce sont donc des communautés migrantes, d'une certaine manière, qui finissent par se former. Mais la base, c'est la famille élargie, si vous voulez. Rien d'original. Hein. Donc débarque finalement, pas en un jour, mais finit par arriver dans les villes françaises, où elles vont avoir des stratégies. Hein. Pareil que ce que je disais à propos de Dakar ou Tunis, les gens ne restent pas les bras croisés, ils se débrouillent. Ce sont d'abord eux les premiers acteurs de leur intégration et de leur survie. Hein. Ça, c'est fondamental. Ils vont se débrouiller, ils vont s'installer en marge de la société. Pourquoi ? Aussi parce que la société les exclut juridiquement. Ça me semble important de le rappeler. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ils vont, pour l'habitat, ils vont exploiter les petites niches dont on parlait tout à l'heure. Hein. Vous les avez vues des photos, mais on pourrait reprendre les mêmes. Hein. On va chercher l'interstice, finalement. On va dans les rares espaces disponibles hein, pour débrouiller un habitat. Alors, ça veut dire quoi, débrouiller ? Ça peut être une tente, hein, ça peut être un banc. Hein. C'est de plus en plus souvent, d'ailleurs, dans certains cas, un banc. C'est-à-dire que les gens, comme ils sont chassés régulièrement, il faut qu'ils bougent. Hein. Ça va être une tente, ça va être une baraque. Voilà. Ça va être un squat. Un immeuble squatté, bref. Il y a un vrai savoir repérer les opportunités, finalement, de logement dans les interstices, hein, des interstices, des opportunités spatiales, finalement, hein, qui va être utilisé pour assurer l'abri. C'est-à-dire que les gens vont tant bien que mal résoudre ce problème du logement, en se servant de ces marges urbaines. Voilà. Hein, alors, il y a des fois des squats, il y a des petits terrains, comme on a vu à Tours, plusieurs centaines de personnes. Des fois, ça peut être 600-800 personnes, bon, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, mais on n'est pas dans les bidonvilles de plusieurs milliers de personnes qu'on a pu voir dans les années 60. C'est un phénomène qui reste statistiquement beaucoup moins important. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour comment on fait pour vivre, pour survivre au jour le jour ? Bah, c'est pas là aussi, hein, les gens vont envisager tout un tas de moyens différents. D'abord, il y a le travail au noir, le travail informel, des gens qui vont travailler sur les chantiers du BTP dans les travaux publics, hein, pour des entreprises de sous-traitance, pour les grands groupes, Bouygues, etc., hein, qui sont nombreux, par exemple, en banlieue parisienne, où on a vu des chefs de chantier aller embaucher directement au bidonville. Donc ça, c'est intéressant. 300-400 euros par mois, pas toujours payé, mais en gros, c'était ça, si mes souvenirs sont bons. Je le dis de mémoire, il faudrait vérifier. Donc, le travail au noir, hein, comme beaucoup de travailleurs clandestins. Autre chose, eh bien, il y a la mendicité, hein, qui attire l'attention, peut-être. Il y a la mendicité. Alors, à Tours, il y avait une mendicité régulière chez certaines familles, voilà, mais qui ne pouvaient pas s'en passer d'une certaine manière. Hein. Et autrement, une forme de mendicité plus ponctuelle. J'y vais quand j'ai besoin. Mais c'est une ressource, finalement, l'espace public. C'est ça qui est intéressant. La façon dont je vais me servir, finalement, de cet espace d'interaction pour aller chercher un petit peu l'argent où il est. Dans le pire des cas, je vais aller chercher l'argent là. Il y a des gens qui avaient quitté Tours, sont allés en Italie. Pas de travail au noir, pas de ferraillage, parce qu'il y a aussi la collecte de la ferraille. Et ben, dans le dernier cas, je vais pouvoir essayer d'aller mendier. C'est la dernière ressource. Et puis aussi des activités donc, qui vont vers la délinquance, hein, mais qui ne sont pas au point de départ, qui ne sont pas forcément importantes, mais qui parfois peuvent prendre de l'importance. Alors, c'est quoi ces activités ? D'abord, s'il y a un problème de classement, c'est-à-dire que le ferraillage, l'âge. Des fois, aujourd'hui, c'était toléré et ça l'est de moins en moins. Alors, est-ce que c'est illégal? C'est à sa façon dont on regarde. Ça dépend comment on regarde une activité aussi. Donc, bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, bon, il y a des activités qui vont vers la délinquance, le trafic, etc. Oui, aussi. Bon, moi, ce qui m'intéresse dans ces activités, c'est leur visibilité, d'une certaine manière, que ce soit l'habitat, que ce soit les activités de rue. Et vous le montrez de façon magnifique dans le film. C'est qu'elles attirent, et Jean-François Troin le rappelait tout à l'heure, c'est qu'elles attirent l'attention. Hein. Elles attirent l'attention. Ce sont des activités très visibles, que ce soit l'habitat, le bidonville, sur les rives du Cher, que ce soit les pratiques de mendicité. Elles attirent l'attention et elles vont poser problème. Elles posent problème, ces activités. Alors pourquoi ça pose problème, finalement, que des gens se débrouillent, bon, même si c'est un petit peu des fois limite, quoi. Pourquoi ça pose problème? Alors, ça pose problème d'abord. Parce que ça choque. Quand on fait des entretiens, ça choque. Je l'ai dit tout à l'heure, même moi, je pourrais avoir une neutralité de chercheur, regarder les choses de loin. Non, quand je suis passé au Pont-aux-Oies, hein, quand j'étais au Pont-aux-Oies, j'avoue, je n'ai pas dormi la nuit. Je ne pouvais pas rester indifférent. Il y a un truc, c'est interactif. Ça bouge, ça bouge à l'intérieur de soi. Et ça, c'est fondamental, je pense. Alors, ça provoque des choses hyper variées à l'intérieur. Il y en a, ça va provoquer de l'hostilité, une attitude, ils vivent ça comme une agression, donc ils repoussent. Hostilité, claf. Donc ça c'est important. Autre chose, ça va être la compassion. Plus souvent quelque chose, donc, oh les pauvres, c'est plus fort la compassion quand même. Hein. Autre chose très fréquente, ça va être la révolte, sentiment de révolte, d'injustice. C'est dégueulasse de voir une situation de pauvreté comme ça. C'est injuste, c'est une forme d'injustice. Hein, voilà. Et donc les gens vont être travaillés de l'intérieur, beaucoup, généralement la méfiance, je mets à distance, ou je prends ma distance, et je regarde de loin quelque chose que je peux apprécier, qui peut-être potentiellement comme une menace. Hein, la question de la menace est importante. Voilà. Donc il y a plein de troubles, en tout cas ça crée des troubles, et des troubles d'abord individuels, et les gens vont réagir. Ils vont réagir soit en mettant à distance, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, en se mobilisant. Il y a des mobilisations de soutien du côté ou avec, justement, ces Roms en situation précaire, ces populations en situation précaire, qui vont chercher à interpeller les pouvoirs publics. Donc, j'en ai parlé à propos de Tours. Il y en a à Paris aussi, voilà. Il y en a qui sont remarquables dans certains cas. Ça marche. La mayonnaise ou la magie prend comme on veut. Et dans certains cas, ça prend pas du tout, généralement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens sont là en train de vivoter, de se faire chasser, et ça provoque pas forcément grand-chose. Hein. Et ce sont souvent des grandes assos comme les Médecins du Monde, Secours Catholique ou je ne sais, qui vont entraîner finalement les riverains vers des actions. Hein. Voilà, et ça, sur plein de terrains, c'est comme ça que ça s'est passé à Lille, par exemple. Mais souvent, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose de très dur à côté d'eux, mais ça ne bouge pas, et ça, tout le monde le sait. Moi, ce que je voulais dire d'autre, ça choque l'opinion, d'une certaine manière, qui est, bon... Et du coup, d'ailleurs, on peut dire que c'est important, quoi, la façon dont on va regarder en retour et comment les médias, les pouvoirs publics vont regarder hein, aussi. Et c'est intéressant de dire que les Roms, finalement, quand on parle de Roms aujourd'hui, on veut dire quoi? En fait, on veut dire Roms, qui appartiennent aux minorités Roms. En France, ça veut rien dire, d'une certaine manière, on ne sait pas trop. C'est de l'Est, Roumain, on ne sait pas trop. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui va derrière. Hein. Et là, on retrouve la même chose. Rome, ça veut dire Rome qui vit dans des bidonvilles, mendie et potentiellement menaçant, emmerdant en tout cas, problématique. Voilà. Quand on dit Rome, c'est ça. Hein. Et il y a un raccourci qu'on a bien vu cet été, quand on dit les discours sur les Roms, les machins sur les Roms, c'est terrible d'une certaine manière, parce que le mécanisme de stigmatisation, il est là, il est dans cette catégorisation, et je crois qu'on a tous notre responsabilité, hein, aussi bien quand on parle de politique en direction des Roms, etc., de rappeler toujours ce que c'est hein, les Roms. Et on est en train de construire cette catégorie de Roms, hein, comme voulant dire, une population problématique. Hein. Et ça, on est au point de départ, je pense, de tous ces processus de catégorisation qui renforcent la précarité des personnes qui sont visées, finalement, quand on les voit. Je continue. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce que ça va gêner des opérations d'urbanisme. À Tours, il fallait installer, c'est un peu l'ironie, une aire d'accueil des gens du voyage. C'était là qu'on avait décidé. Pourquoi? Parce que c'était les terrains les plus faciles à préempter. Bon, voilà. En plus, c'était un peu à l'écart de la ville. Voilà. Il n'y a pas le problème du voisinage des riverains. Donc, c'était à bonne distance de la ville pour les gens du voyage. Très bien. Donc, on met là, à bonne distance, ce que l'on appelle une aire d'accueil des gens du voyage. Que les gens du voyage montre comme ou désigne comme étant justement un terrain désigné. C'est intéressant, comment on ne dit pas la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc il fallait dégager ça. À Paris, ça va être autre chose. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est cette logique de conquête, hein, de la banlieue proche de Paris, hein, de valorisation des anciennes friches industrielles, hein, qui aujourd'hui vont recevoir des opérations immobilières, des centres d'affaires à côté du Stade de France. Hein, donc, il y a une valorisation de ces espaces qui fait que les bidonvilles, ils doivent dégager. C'est fini le temps des bidonvilles, d'une certaine manière. Et puis aussi, ça donne une mauvaise image de la ville. Hein, ça donne une mauvaise image de la ville. Et c'est tout à fait intéressant, justement, la façon dont à Tours, cette question de l'image a été importante. Hein, au cours des discussions, j'ai appris, par exemple, que, vous savez, les gens ont été donc transférés dans l'ancienne aire d'accueil de la Gloriette, là, près de la Rocade, avec donc les bungalows, là, ce qu'on appelait les bungalows, le terme bungalow, c'est des AGECO, hein, c'est des baraques de chantier. Hein, justement, en gros, le maire était tout à fait d'accord, pourvu que ça ressemble à un parking, mais à un camping. Il fallait que ça garde l'apparence du camping. Bref. L'idée, et ça c'est primordial, hein. Il fallait qu'on invisibilise d'une certaine manière, que les gens passent sans voir d'une certaine manière et qu'on préserve les apparences. Voilà. Donc c'est une forme de rangement de la misère qui était assez, on y reviendra tout à l'heure, important. Voilà. Mais en tout cas, il faut en finir avec cette mauvaise image de la ville et des pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics sont pris à partie, parce que le bidonville fait tache et qu'il rappelle des mauvais souvenirs, le temps d'avant, le temps de la pauvreté, hein, le temps de l'après-guerre, le temps de... Voilà, hein, et que finalement, on pensait être sorti de cette situation problématique. Et voilà, il s'est vécu comme un retour en arrière, d'une certaine manière. Donc, pour toutes ces raisons, il faut que le bidonville disparaisse. Alors, quelles vont être les réponses institutionnelles? Au niveau de l'Union européenne, d'abord, on va essayer de passer rapidement comme ça. Au niveau de l'Union européenne, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a bien une politique en direction des Roms, mais qui concerne surtout l'Europe de l'Est. J'ai envie de dire que pour l'Union européenne, la réponse au problème Rome, qui, j'espère l'avoir montré, n'est pas forcément le problème des Roms, mais le problème que la pauvreté visible pose à l'opinion publique et aux médias et aux institutions, donc c'est différent, que la réponse au problème Rome, elle se situe dans le pays d'origine, elle est là-bas. Ce qui est peu étonnant, d'une certaine manière, parce que même dans le discours de l'Union européenne, la question Rome émerge au même moment que l'Europe s'élargit. C'est donc en réaction par rapport justement au risque de migration, d'invasion, qui a été aussi marqué comme ça, que l'on va en gros essayer de dire aux États roumains, etc., de régler cette question-là. Bon, donc au niveau de l'Union européenne, pas de réponse particulière. Alors, donc c'est l'État-nation qui prend le relais d'une certaine manière, donc l'État français, qui lui va plutôt avoir une attitude de rejet, qui était très net cet été, hein, donc avec tous les discours en direction des migrants roms, bon, un discours de criminalisation, puisque les gens étaient assimilés à des délinquants, un discours qui cible le bidonville, comme par hasard, qu'il s'agit de dégager, hein, pour plein de raisons qu'on a pu voir tout à l'heure aussi, et aussi parce qu'il abrite des délinquants potentiels. Hein. Mais c'est intéressant la façon dont on va criminaliser la pauvreté et l'habitat des pauvres pour... Pourquoi? Alors pourquoi? Il y a effectivement un souci de communication politique pendant l'été. On fabrique d'une certaine manière du bouc émissaire dans un contexte peut-être de tension politique, voire de reconquête électorale. Pour moi c'était clair que c'était ça, je parlais clairement. Donc il y a un objectif de communication politique, hein, mais qui, avec cette idée qu'en dégageant la tâche qu'est le bidonville, finalement, je montre aussi mon efficacité. Hein, je retrouve finalement ce que je disais tout à l'heure sur les fonctions politiques du traitement de l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'en agissant, en dégageant ce bidonville très visible, je me présente comme champion de l'ordre local, etc., etc. Rétablisseur de l'ordre, quelque part. Le traitement de l'espace, en tout cas, est un instrument de pouvoir très, très, très intéressant. Bon, mais il n'y a pas que de la communication politique, il y a aussi de la justification de politiques publiques, qui sont plutôt du côté de la répression, hein, j'ai envie de dire, peut-être d'abord de la gestion ou de l'encadrement des mobilités des populations pauvres, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de négociations qui se réalisent avec l'État roumain, justement, et qui visent justement à limiter autant que possible le retour des Roms roumains qui sont retournés donc en Roumanie avec l'aide de la France, hein, et qui souhaitent et qui reviennent généralement en France. Voilà. L'idée, c'est de stopper un peu ces mouvements, ces migrations, aller-retour, voilà. Hein, et on essaye de trouver des instruments juridiques, réglementaires, pour arrêter ça. Hein, mais c'est pas évident. Pour plein de raisons. La deuxième chose, et ça vous intéresse plus directement quand on travaille sur l'habitat précaire, je pense, c'est la pénalisation de l'habitat précaire. Hein, il faut regarder les circulaires de cet été. Et ça, c'est très intéressant, la façon dont on insiste sur, justement, le caractère illicite, antisocial, sous le coup de la loi, d'une certaine manière, de l'habitat précaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'habitat qui est visé, mais celui qui habite et qui est assimilé donc à un hors-la-loi, et qui, parce qu'il est hors-la-loi, doit être puni. Hein. Et ça, c'est fondamental. Ça concerne les Roms, donc en situation précaire, mais ça concerne l'ensemble des personnes qui, effectivement, risquent ou sont en situation d'habitat précaire. Hein. Et cette pénalisation, elle est encore renforcée avec le projet de loi l'OPCI sur la sécurité intérieure actuellement. Là, il y a quelque chose qui est tout à fait important dans l'évolution des politiques en direction d'habitat précaire, donc qui passe sous le coup des politiques répressives. Et puis, en finale, qui se charge de ces questions roms? Eh bien, ce sont les collectivités, les pouvoirs locaux, qui, au jour le jour ou au quotidien, vont être amenés à gérer ce qui, quand même, apparaît comme une patate chaude. On en fait quoi, finalement? De ces personnes-là. Eh bien, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de montrer qu'on est toujours dans des politiques à deux volets. Hein, le premier volet, c'est l'expulsion, hein, aussi bien au niveau local. Hein. L'idée, c'est de dégager quand même cette pauvreté visible. Hein, alors, il y a des fois, c'est le préfet qui oblige, des fois, ce sont les collectivités locales qui vont chercher le préfet. Voilà. Puis, des fois, les gens ne veulent pas, ils veulent laisser. Hein, à Saint-Genoux, pour être très clair, il y avait une famille qui était en baraque, qui était sous la protection municipale. La mairie n'a pas voulu, des personnes à la mairie ne voulaient pas que les gens dégagent pour des raisons humanitaires, d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus catégoriser les élus, les préfets, etc. Hein. Heureusement que les choses sont plus chouettes que ça, d'une certaine manière. Mais il y a une logique, quand même d'expulsion. Il faut que ça dégage quand même. Si possible, en Roumanie, allez, je fais loin, mais si ce n'est pas possible, de la ville, hein, ou de mon territoire communal, ou alors, si c'est pas de mon territoire communal, c'est du territoire départemental, voilà, en tout cas chez le voisin. Hein. C'est un peu la nef des fous, d'une certaine manière, qui partait, vous prenez peut-être la loi, et qui arrivait dans la ville voisine, tac. C'est d'ailleurs très intéressant. Si vous regardez bien au niveau régional, vous avez des Roms d'origine roumaine qui se trouvent en situation précaire, qui quittent Paris, se trouvent à Orléans, restent sur Orléans, tournent autour d'Orléans, se font expulser, arrivent à Blois. Blois, pareil, il y a des mobilisations, etc. Bon, mais alors la question, c'est jusqu'à quand ça dure? Après, ça va être Tours, ça va être Nantes, voilà. Finalement, on prend le chemin de la Loire et c'est assez, assez étonnant. Bon, expulsion. La deuxième politique, le deuxième volet, c'est l'accueil minimal. C'est l'accueil, il y a un accueil minimal, hein, comme on a pu le voir à Tours, hein, où d'abord, le problème qui se pose, c'est l'hébergement. Hein. On va héberger, et puis progresser, on va bricoler des petites solutions d'hébergement, hein, pour une minorité. Hein, voilà. Bon, à Tours, le groupe était peu nombreux, à Paris, c'est différent. Et puis aussi, on va mettre en place un accompagnement social, un petit peu d'insertion. Mais honnêtement, pour insérer des gens qui sont en situation irrégulière, pour les travailleurs sociaux, c'est un casse-tête, parce qu'il faut d'abord résoudre l'obstacle administratif. Bon, bref, c'est donc un problème difficile. Alors, quand on parle en termes de problème d'intégration, j'ai envie de dire que c'est compliqué, parce qu'on surcharge encore une fois les gens. On les rend responsables, finalement, d'une non-intégration qui est d'abord liée aux obstacles administratifs. Donc, c'est hyper compliqué, cette affaire-là, en ce qui concerne les personnes. Et aussi les travailleurs sociaux qui vont avoir à se débrouiller avec cette situation d'exclusion juridique. Donc je fais vite. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces dispositifs, c'est que ce ne sont pas que des dispositifs d'hébergement et d'insertion. Ça va, je suis dans les temps. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs aussi de pouvoir. Voilà. Ce n'est pas neutre, hein, encore une fois. l'hébergement et l'insertion. Et ça, c'est dit dans le film aussi tout à l'heure. Alors, de pouvoir. D'abord, ça va permettre, d'une certaine manière, de faire le tri. C'est-à-dire de dire quels sont les autres, je pense à ce livre-là, sous la direction de Gottman, les autres qu'on veut bien, ceux qu'on veut bien accueillir. On va faire un tri entre ces étrangers indésirables, on va dire ceux qu'on veut bien accueillir. En gros, quels sont les Roms intégrables, entre guillemets. C'est pas dit comme ça, mais je fais vite, hein, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Et puis les autres, eh ben, il faut qu'ils dégagent. Hein. Et finalement, le dispositif spatial, c'est à la fois ce qui va me mettre en position de pouvoir, ce qui va me mettre en position de dire « toi, tu viens, toi, tu viens pas hein. ». Et ça, c'est primordial. Et dire que « ah ben ouais, mais là, maintenant, il n'y a plus de place ». Il n'y a plus de place. Le contrat au niveau local, c'est que s'il n'y a plus de place, tu dégages peut-être, tu ne rentres pas dans le dispositif, mais tu ne te mets pas non plus à côté. Hein. Il n'y a plus de place dans le territoire. Hein. Donc, c'est la sortie du territoire. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que, en gros, l'hospitalité, elle est toujours associée à l'inhospitalité. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un petit peu ça qu'on voit fabriquer au quotidien, dans ces opérations. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le tri de la population, la fabrication de l'hôte, voilà, vous avez droit à cette place-là. Cette place-là, c'est une place particulière, c'est un strapontin, c'est le droit au village, d'une certaine manière. Ce n'est pas la ville, hein, ce n'est pas le tapis rouge. Hein, voilà. Pour avoir le tapis rouge, il n'y en aura pas, hein, mais il faut respecter les procédures qui sont justement... fixés à l'équivalent à l'intérieur du terrain. Hein. Et par exemple, cette question de l'horaire. Il faut revenir à 19h le soir. On fixe un règlement qui va valoir pour les personnes en question. Dans les villages d'insertion, les visites sont interdites, sauf autorisation du gestionnaire. C'est-à-dire qu'on a là un maître de maison qui est donc payé par l'institution, qui va jouer et qui va avoir une autorité très grande hein, dans la définition, dans l'affectation des hébergements, c'est-à-dire toi tu vas dans telle baraque, toi dans telle baraque, etc. Et puis aussi dans la définition des règles de vie à l'intérieur du village, des droits de sortie, droits de visite, enfin droits d'entrée plutôt, droits de sortie c'est libre, droits de visite, etc. Et puis aussi une possibilité d'expulser les personnes hein, qui sont pas, bon, qui signent peut-être un petit papier, mais qui n'est pas un bail. Il hein, n'y a pas un droit du locataire du village d'insertion, du résident. Hein, non. Hein, c'est une soumission quand même à un règlement. Hein, quand je dis ça, c'est voilà, c'est comme ça. Et au jour le jour, il peut se vivre des choses chouettes hein, entre le maître de maison et les autres. Ça n'empêche aussi qu'il y a des belles choses qui se passent dans les relations personnelles. Hein. Mais il y a quand même un règlement particulier. Hein, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, que ce dispositif, c'est aussi un dispositif d'invisibilisation hein, de la misère, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cosmétique urbaine. Moi, j'aimais bien cette expression qui n'est pas de moi. Voilà. Hein. Mais ça me semble important de rappeler ça. Vous voyez que finalement, ce dispositif d'hébergement et d'insertion, il va permettre de régler un certain nombre de problèmes qui ne sont pas forcément du côté de l'insertion et de l'intégration des gens, finalement. Ils ne sont pas forcément là pour régler le problème des gens, mais d'abord pour régler le problème hein, de la société d'accueil et de ses institutions, d'une certaine manière. Alors, le bilan de ces opérations, j'ai envie de dire qu'en gros, on arrive à débrouiller des situations individuelles. Hein. Il y a des gens qui vont voir améliorer leur solution, leur situation. Hein. Accès à un emploi. Bon, c'est souvent des entreprises d'insertion, hein, parce que l'emploi, il faut aller le chercher. Débrouiller la situation administrative. Hein, voilà. Encore une fois, c'est le village d'insertion, c'est le SAS. Hein, c'est le SAS hein, pour avoir une petite légitimité locale qu'on a construit accès à Tours, quand on parle des Roms de Tours. C'est-à-dire qu'on leur donne une petite légitimité à être là, et qu'à partir de cette légitimité-là, cette reconnaissance par les pouvoirs publics, on va pouvoir lentement travailler dans le sens de la levée des obstacles administratifs et de l'intégration. Hein, mais c'est un parcours de combattant. Voilà. Ce que je voulais simplement dire là-dessus, je voulais... Oui, donc on débloque, on résout dans le temps des situations individuelles. Bon. Mais la tendance générale, hein, c'est quand même la montée des politiques répressives, des politiques d'expulsion des terrains, d'éloignement des personnes, qui font que les personnes qui reviennent, hein, comme vous savez, et se trouvent dans une situation de plus en plus précaire, hein, de plus en plus précaire, car tout soumis de plus en plus aux expulsions systématiques, amenés à changer de terrain très régulièrement, une situation d'errance, hein, une situation d'interruption des relations, je sais pas moi, avec les associations, de la scolarisation, des suivis sanitaires, et voilà, de tout ça. Et puis aussi un désancrage, une désintégration finalement de ces populations qui, au niveau local, avaient dans le temps construit un certain nombre de liens personnels avec des gens du coin. Ça peut être des liens économiques, des liens amicaux, etc., qui sont à chaque fois fractionnés. C'est-à-dire qu'on instabilise et d'une certaine manière, on désintègre ces populations qui se trouvent dans une position de plus en plus marginale et de plus en plus contrainte de recourir à des pratiques marginales pour assurer leur survie. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer finalement là des groupes marginaux qui sont de plus en plus à l'écart effectivement des sociétés d'accueil et construisent leur stratégie sur cette base-là. Donc ça c'est le constat de départ. Bon, et je terminerai en un mot sur les alternatives. Bon, je pourrais dire, ouais, on peut faire ci, ça, ça et ça. Non, je pense qu'en tout cas, des alternatives à cette marginalisation en cours, il y en a. On pourra en parler si vous voulez, mais j'ai envie de dire qu'en gros, les populations en question et puis les gens, les travailleurs sociaux, les institutions, savent, peuvent faire. Voilà, il faudrait peut-être réfléchir un peu, mais on sait faire. Si on veut, on peut, en gros. À mon avis, j'en suis persuadé. Mais la question, et je reviens à mon point de départ, la question c'est de savoir comment intégrer donc, des groupes là, comme les Roms. Donc, précarisés, marginalisés, je ne sais pas comment dire, dans des villes, dans des sociétés qui sont des sociétés un petit peu bloquées quand même, ou des sociétés lisses. Je reprends cette image de l'espace lisse tout à l'heure. J'ai envie de dire que, eh bien, peut-être, enfin, de mon point de vue, l'enjeu, il dépasse largement le point de vue des populations roms en situation précaire. Pour moi, l'enjeu, eh bien, c'est des politiques. Il est de réouvrir finalement des espaces de respiration, de réouvrir de réouvrir la ville d'une certaine manière. Ça vaut pour les espaces, pour les marges urbaines, les interstices. Ça vaut aussi pour les ressources économiques qui, justement, de recréer cette diversité peut-être économique, peut-être des modes d'habitat, cette diversité qui permet justement, qui est une richesse ou qui constitue le principal point d'ancrage pour des groupes, pour se débrouiller peut-être en ville, pour se débrouiller, pour survivre et puis pourquoi pas, pour réussir leur intégration en ville. Et je crois que cette question, ça je le répète, elle concerne aujourd'hui peut-être les Roms en situation précaire, elle concerne un certain nombre de groupes en situation précaire qui peuvent se trouver d'ailleurs en foyer et autres, et elle concerne des parties de plus en plus importantes de la société française qui sont en cours de précarisation. Voilà, je vous remercie.